Noël, c'est Noël, oui c'est Noël. Un Noël blanc, un Noël joyeux. Dehors la neige est un terrain de jeu. Les enfants ont le cœur heureux. C'est Noël, oui c'est Noël. Les sapins verts, le chemin tout blanc. Pour tous les enfants et pour tous les grands. C'est le plus beau des temps. La musique nous appelle. Si on allait danser. Car c'est Noël, joyeux Noël. Soyons heureux, c'est le temps d'aimer. Chante avec moi, c'est le temps de Noël. On pourrait même valser. Prends ma main, viens avec moi. C'est la valse de Noël. Car c'est Noël, joyeux Noël. Soyons heureux, c'est le temps d'aimer. Chante avec moi, c'est le temps de Noël. On pourrait même valser. Prends ma main, viens avec moi. Je te fais tourner, je vais t'embrasser. Sur une valse de Noël. Sur une valse de Noël. Viens danser.